Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons de cet été pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Le jeune Alex O'Connell arrache de son long sommeil l'empereur Momi. Le plus cruel guerrier de toute l'histoire de Chine était parti pour conquérir l'univers et y serait certainement parvenu sans l'intervention de la sorcière Ziyuan. Revenu à la vie, le despote sanguinaire n'a rien oublié de ses ambitions premières, mais il lui faut d'abord conquérir la vie éternelle. Un mystère tombé dans l'oubli est sur le point d'être exhumé. C'est le tombeau de l'empereur dragon et de son armée. Et un démon légendaire va se réveiller. Et c'est reparti. Universal Pictures présente... Bien joué, papa. T'as encore réveillé une momie. Sur sa tombe, il est dit qu'elle contrôlait les cinq éléments. Je hais les momies! Où peux-je avoir si fier? Par les producteurs de la momie et le retour de la momie. Vous comptez faire comment pour les repousser? L'empereur a bâti la grande muraille sur les corps de ses ennemis. Je vais les rappeler pour une nouvelle bataille. Eux, c'est bien les gentils morts-vivants, c'est ça? Aux frontières de la mort et de l'imagination se déroule une aventure qui entrera dans l'éternité. La momie, la tombe de l'empereur dragon. Réalisé par Rob Cohen, un DVD Universal.